بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre Shurut al-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha. Et on est arrivé donc à la partie du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab où il explique, yani, on a fini d'expliquer al-Tashahud. Donc on a expliqué al-Tashahud et dans le Tashahud il y a des éléments qui ont rapport avec le Tawhid, comme on le sait. Hein, le témoignage de la ilaha illallah et le témoignage de Muhammad Rasulullah, donc ça a rapport avec le tawhid et l'aqida. Et il y a un élément ici que le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad a mentionné en citant les paroles de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Il parle de la question de ceux qui commettent du shirk ou du kufr par ignorance, d'accord. Donc il a expliqué le cheikh qu'il y a deux positions parmi les positions des ulama sur celui qui fait du shirk majeur, soit en invoquant des morts ou des saints ou des choses de ce genre. Et donc le cheikh a expliqué la première position, il a dit anna man qala hadha yakunu kafiran kufran akbar wa li anna hadha shirkun zahir la takhfa adillatuhu. والقول الثاني أن هؤلاء قد يدخلون في الجهل وعندهم علماء سوء أضلوهم فلا بد أن يبين لهم ويوضح لهم الأمر حيث يتضح لهم. Donc la première position, comme on a dit, c'est ceux qui disent parmi les ulama que les questions qui ont rapport avec ça sont des questions claires, et c'est pour eux une forme de shirk qui est apparente et claire. Et les preuves au sujet de ce shirk sont pas cachées, sont pas subtiles, c'est pas des choses difficiles à comprendre. Donc eux, ils considèrent que ça y est. Du moment qu'un musulman, dans un pays musulman, il a commis cet acte-là, pour eux, ça y est. Ça veut dire que c'est un mushrik kafir. Pour eux, ils considèrent qu'il est en dehors de l'islam. Il n'y a pas d'excuse pour de l'ignorance dans son cas. Tandis qu'il y a d'autres ulama d'Ahlus Sunnah également, qui sont des ulama qui suivent la voie des salafs, qui ont une autre attitude ou une autre position par rapport à ça. Et eux, ils considèrent que ces gens-là, c'est possible qu'ils aient une forme d'ignorance en eux à cause des savants qui sont déviés, qui habitent chez eux, par exemple. Ils ont été mal informés, mal enseignés par des gens à qui ils ont confiance, ou en qui ils avaient confiance. Ils pensaient que c'était des gens qui étaient corrects, qui étaient des gens qui étaient sur l'islam, qui enseignaient l'islam, qui parlaient du Coran et de la Sunna. Donc ils s'imaginaient que qu'est-ce que ces gens-là enseignaient, c'était correct. Et donc ils les ont écoutés, ils les ont suivis dans le shirk. Et donc à cause de ça, parce qu'ils ont été égarés par ces gens-là, les ulama disent ces gens-là, ils n'ont pas d'autre source, d'autre façon de connaître la vérité que ces savants corrompus. Donc, dans ce cas-là, ils sont excusés pour l'ignorance qu'ils ont eue. Et jusqu'à ce qu'on leur explique la réalité du shirk et la réalité de ce qu'ils font, on leur donne les preuves. Et s'ils persistent, après leur avoir donné les preuves, s'ils persistent à continuer à faire le shirk, alors dans ce cas-là, on va dire que ces gens-là sont des kuffars et qu'ils ont quitté l'islam à cause de ça, parce qu'ils ont continué après avoir eu la preuve. Donc, on a vu les deux positions. Maintenant, le cheikh Abdul Muhsin, il va détailler un peu plus en donnant des paroles de d'autres savants qui ont eu cette position, cette deuxième position-là, du fait que il faut excuser les gens qui ont de l'ignorance, yani lorsqu'ils n'ont pas eu accès à la science et qu'ils ont été trompés, par exemple, par des gens. Donc, le cheikh, il dit, وَالْقَوْلُ الثَّانِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ التَّوَقُّفِ فِي التَّكْفِيرِ وقرره كثيرون من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ولا الأنبياء لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها. Donc Cheikh al-Islam, il explique, donc le Cheikh, il dit qu'il y a plusieurs savants qui ont eu cette deuxième position là du fait qu'il faut s'arrêter lorsque quelqu'un commet un acte de kufr ou de shirk majeur pour vérifier la personne, est-ce qu'elle est ignorante ou non. Une fois qu'on a vérifié que la personne est ignorante, donc cette personne là sera excusée et on doit lui expliquer la chose. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a eu cette position-là. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi, il a eu cette position-là. Et il cite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Istirafa, le volume 2, à la page 731. Cheikh al-Islam dit, après avoir su ce qui a été ramené de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous savons par nécessité qu'il n'a pas été légiféré pour la Ummah qu'elle invoque quiconque d'entre les morts, ni parmi les prophètes, ni parmi les hommes pieux, et ni quiconque d'autre en dehors de eux aussi. Et on n'a pas le droit de les invoquer, ni en utilisant le terme de Al-Istirafa, ou n'importe quel autre terme. Al-Istirafa, je pense que vous comprenez Al-Istirafa, c'est le fait de demander ou d'appeler au secours dans les moments de détresse. Ça, c'est Al-Istirafa. Donc, souvent, les soufis, ils disent, nous, on appelle, on fait Al-Istirafa, ils pensent que c'est permis. Ou bien, ils vont dire parfois le Tawassul, ou bien, ils vont dire parfois, Al-Nida, ou bien, ils vont dire parfois Al-Istirafa. Tous ces termes-là sont dans le même sens. C'est dans le fait d'implorer le secours, de demander de l'aide, ou d'invoquer. Dans tous ces cas-là, les ulama ont dit que c'est pas permis de le faire, c'est pas permis d'invoquer un mort ou un prophète ou un ange. Le seul qu'on a le droit d'invoquer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'a pas le droit d'invoquer ni un mort, ni un prophète, ni un homme pieux, ou peu importe qui d'autre en dehors d'Allah, parmi les anges. Ou peu importe quelle autre chose, les idoles, les anges ou autres. Parce que celui qui fait ça, il commet du shirk. Et on n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire d'invoquer autre qu'Allah, soit en cherchant al-rawf, en faisant al-istirafa, c'est-à-dire quand tu appelles au secours dans les moments de détresse, ou en demandant le refuge, en cherchant le refuge, ou n'importe quel autre terme ou formule qu'on utilise, du moment qu'on invoque, qu'on demande à autre que Allah, c'est considéré comme du shirk. Et le cheikh, il dit, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, attends seulement, ok bébé, il dit, وكما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا ولعلمه بأن هذا أصل الدين. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit de même qu'on n'a pas le droit aussi de se prosterner. Hein, il n'a pas été légiféré à cette umma de se prosterner devant un mort, ni de se prosterner même devant un vivant, ou des choses de ce genre. Donc on n'a pas le droit de se prosterner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même en signe de respect. Même on n'a pas le droit même de pencher la tête ou de s'incliner. Avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, chez les juifs, ça se faisait également. Même dans l'histoire de Youssef alayhi salam. Oui, ça a été interdit par la suite. La preuve, dans l'histoire de Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit Youssef? Il dit, j'ai vu un nombre de planètes et le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi. Hein? Et à la fin, il voit que il voit ses frères qui se prosternent devant lui et ainsi de suite. Ça, c'était dans le but de saluer. C'était un signe de respect. Attends seulement. C'était un signe de respect. Tandis que, qu'est-ce qui se passe par la suite, c'est que quand l'islam est venu, tout ça, ça a été interdit. Que ce soit par signe de respect ou non. C'est seulement devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut s'incliner ou pencher la tête ou se prosterner. Et l'exemple de Mu'adh ibn Jabal, quand il est parti en Syrie, il est allé et il a vu des gens du livre justement qui se prosternaient devant leurs prêtres, devant leurs moines, devant leurs rois. Donc, quand il est revenu à Médine, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça, Mu'adh? Qu'est-ce que tu fais? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, donc, et Mu'adh a dit, ô messager d'Allah, j'étais là-bas, chez les gens du livre, chez les chrétiens, et j'ai vu que ces gens-là, ils se prosternaient devant leur roi, devant leur prêtre, devant Donc, moi, j'ai voulu faire ça vis-à-vis de toi, parce que je considère que toi, tu le mérites plus que ceux-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais ordonner à quiconque de se prosterner devant quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Tu vois? Mais, donc ça c'est pour dire que la prosternation d'une créature devant une autre créature, c'est interdit en islam. Tu vois? Et que ça n'est pas excusable, c'est pas permis de le faire, c'est seulement devant Allah qu'on a le droit de se prosterner. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça fait partie des choses qui ont été interdites. Toutes ces choses-là font partie des choses qui ont été interdites. Parce que ça fait partie du shirk que Allah a interdit, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que, et là c'est là qui est intéressant, dans ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah explique, il dit, sauf que à cause de l'ignorance qui est répandue chez les musulmans, et à cause du peu de science, hein, des narrations de la prophétie, et des messages, du messager, qui sont chez les musulmans qui sont comme dans les époques plus loin après l'avenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne peut pas les déclarer mécréants pour ça tant qu'on ne leur a pas expliqué et clarifié ce qui a été rapporté par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'ils ont fait comme contradiction, hein, vis-à-vis de l'islam. Et c'est pour ça que cette question-là, chaque fois, si on l'explique à quelqu'un qui, par exemple, a commis ce genre d'erreur ou a fait ce genre de choses, en général, si tu vois un musulman qui fait du shirk et que tu lui expliques le tawhid et les bases de ces questions-là, la plupart d'entre eux, ils vont dire, tout de suite, ils vont comprendre. Hein? Il dit, il n'y a pas une personne à qui tu vas lui parler de ça et que tu vas lui expliquer sans qu'il reconnaisse et qu'il réalise que c'est la base de l'islam, le tawhid, et que effectivement il va comprendre que ça c'est interdit, qu'est-ce qu'il fait. Hein? Et il dit, et à certains d'entre eux, nos grands chouyours, c'est-à-dire hein, parmi les chouyours qui étaient plus âgés, plus vieux, qui, par exemple, parmi eux, peut-être avaient certaines erreurs dans ces questions-là. Et lorsqu'on leur a expliqué cette question, hein, ils nous ont dit, ça c'est la plus grande des choses que tu nous as expliquées. Parce qu'ils ont reconnu tout de suite que c'était ça la base de la religion, c'est-à-dire le tawhid, hein, qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant d'autres que Allah ou d'invoquer autre que Allah. Ils ont compris tout de suite, parce que c'est clair, on est dans les preuves du Coran, de la Sunna, c'est clair le tawhid. C'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre ou difficile à accepter, sauf pour quelqu'un qui suit sa passion puis qui est, disons, noyé dans le shirk, hein, qui a accepté le shirk. Hein, qui refuse le tawhid. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: "Wa idha kunna la nukaffiru man 'abada as-sanam alladhi 'ala 'abd al-Qadir was-sanam alladhi 'ala qabr Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa 'adami man yunabbihuhum فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر أو لم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان عظيم." Donc ça c'est la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit, donc si nous on ne fait pas le takfir de celui qui a adoré l'idole qui est sur la tombe d'Abdul Qadir, ou la tombe qui est sur la tombe de l'idole qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi, parce que sur la tombe de ces deux hommes-là, Abdul Qadir al-Jilani et Ahmed al-Badawi, eh bien il y a des dômes qui ont été construits, des sanctuaires. Abdul Qadir al-Jilani, je pense que c'est vers l'Irak. Ouais, vers l'Irak. Et Ahmed al-Badawi, il est enterré en Égypte. Mais d'origine, je crois, il vient du nord de l'Afrique, il vient du Maroc. Il est enterré, sa tombe est en Égypte, dans la ville de Tanta. Et il y a beaucoup d'Égyptiens qui l'adorent, sa tombe. Non, ça c'est Hussein. Ça c'est la tombe de Hussein en Égypte. Ils ont dit que sa tête est enterrée en Égypte et son corps est à Karbala. Alors que c'est pas prouvé historiquement que ça soit vrai, hein. Mais ils vont quand même chaque année faire un pèlerinage à sa tête. non, c'est clair. Il y a beaucoup de shirk là-dedans. Mais il y a des tombes, les gens ils vont les adorer. Il y a personne enterré là-bas. Ils ont juste mis une tombe, parce que pourquoi? Abdul Qadir al-Jilani, on sait qu'il est mort en Asie. C'est dans le Moyen-Orient, là. Alors, comment ça se fait qu'il a des tombes dans plusieurs pays? C'est sûr qu'il y a une de ces tombes-là que c'est pas vrai. Il y a ces tombes-là, il y en a une qui est vraie, puis les autres sont fausses. Hein? Mais il y en a des tombes d'Abdul Qadir al-Jilani, même au Maroc. Donc, c'est pas possible, tu vois. Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils le font à ciel ouvert, puisque ça fait partie de leur culture. Maintenant, c'est devenu un truc folklorique, là. C'est considéré presque comme un truc culturel, là. Ils font des fêtes chaque année, là, puis même que c'est officiel. Ouais. C'est devenu une fête officielle, même. Na'am. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit, nous, on déclare pas ces gens-là mécréants, ceux qui adorent ces tombes-là, on les déclare pas des koufars, à cause de leur ignorance. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il dit, donc, on déclare pas ces gens-là koufars à cause de leur ignorance, et parce qu'il y a personne qui leur a expliqué le tawhid comme il faut. Donc, comment on pourrait, dans ce cas-là, si on ne déclare pas ces gens-là qui font du shirk clair, on ne les déclare pas koufar, comment on pourrait, dans ce cas-là, déclarer koufar et mushrikin ceux qui n'ont pas fait la hijra vers nous, ou ceux qui n'ont pas fait le takfir, ou ceux qui n'ont pas combattu avec nous? Mais ça, c'est une grosse. Ça, il dit, gloire à toi, oh Allah, c'est une grosse calomnie contre nous. Dans le sens qu'il y a des gens qui accusent le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire le takfir de ceux qui refusent d'aller émigrer vers lui, hein, ou de qui refuse de faire le takfir ou qui refuse de combattre avec lui ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des fausses accusations qui ont été faites contre lui. Et lui, cheikh, il répond à ça en disant, regardez, même ceux qui font le shirk avec les tombes qui sont adorées en dehors d'Allah, de la tombe d'Abdul Qadir ou de Ahmed al-Badawi, on fait pas leur takfir parce qu'on dit que c'est des ignorants. Donc, alors, c'est encore pire, Yanni. Donc, dans ce cas-là, c'est encore pire qu'on ferait le takfir de quelqu'un qui est, par exemple, juste parce qu'il vient pas faire la hijra vers nous, on va le déclarer kafir. Yanni, pas du tout, Yanni. C'est-à-dire que c'est encore moins concevable qu'on fasse le takfir de quelqu'un comme ça pour cette raison-là. Si on fait pas le takfir pour quelque chose qui est effectivement shirk et kuf akbar. Après, le cheikh, il mentionne un autre exemple de parole de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là. Il dit, وَقَالَ أَيْضًا بَلْ نُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ قُلُوبِنَا بِأَنَّ مَنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ وَتَبَرَّأَ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ الْمُسْلِمُ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَأَيِّ مَكَانٍ وَإِنَّمَا نُكَفِّرُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي إِلَهِيَّتِهِ بَعْدَمَا نُبَيِّنُ لَهُ الْحُجَّةَ على بطلان الشرك مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Donc il dit le cheikh ici une autre citation de lui, il dit que on témoigne ou on prend Allah comme témoin que de ce qu'il sait de ce qui est dans nos cœurs, on prend donc Allah témoin de par rapport à ce qui est dans nos cœurs et de ce qu'il sait de ce qui est dans nos cœurs, que celui qui applique le tawhid et qui se désavoue du shirk, hein, et des gens du shirk, il se désavoue du shirk et des gens du shirk, alors c'est un musulman. Peu importe à quelle époque, peu importe à quel endroit. Mais on fait seulement le takfir de celui qui a associé avec Allah dans son adoration après que la preuve lui ait été expliquée et qu'on lui ait montré la fausseté du shirk. Quand on lui a expliqué, on a établi la preuve, qu'il continue, là on va faire son takfir, mais pas avant. Ça c'est tiré également dans Majmou' Fatawa, dans Majmou' Mu'allafat, pardon, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le volume 3, la page 34, il dit wa qala aydan ma dhukira lakum anni ukaffiru bil umum fa hadha min buhtan al a'da wa kadhalika qawluhum إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي فهذا أيضا من البهتان. إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس فهذا الذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, ce qu'on vous a dit à mon sujet, que moi je fais le takfir de façon générale, ça c'est une calomnie de la part de mes ennemis. Il dit de même que lorsqu'ils disent, par exemple, que moi je dis que celui qui a suivi la religion d'Allah et de son messager et qui habite dans son pays, ce n'est pas suffisant pour lui jusqu'à ce qu'il vienne auprès de moi. Ou qu'ils viennent chez moi, qu'ils viennent immigrer vers chez nous. Donc le cheikh dit ça aussi, c'est une calomnie. J'ai jamais dit ça. Et qu'est-ce qui est important, c'est de suivre la religion d'Allah et de son messager, peu importe dans quelle terre tu es. Hein. Mais celui qu'on va déclarer mécréant, c'est celui qui a accepté et déclaré suivre la religion d'Allah et de son messager, puis qui par la suite s'y oppose et obstrue le chemin des gens vers la religion, hein? Ou de même celui qui adore les idoles après qu'il ait connu que ça c'est la religion des mouchriquines et qui essaie de l'empêner aux gens, c'est-à-dire qu'il essaie d'empêner le fait d'adorer des idoles ou des choses comme ça. Celui-là, c'est lui que nous déclarons mécréant, et tous les savants sur la terre, ils déclarent ce genre de personnes-là également mécréant, excepté quelqu'un qui, disons, qui refuse d'accepter la vérité, ou bien qui est ignorant. Celui qui ne le déclare pas mécréant, celui-là, c'est soit une personne qui refuse d'accepter la vérité par arrogance, ou bien un ignorant. Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a aussi dit à ce sujet-là, وَأَمَّا مَا ذَكَرَ الْأَعْدَى عَنِّي أَنِّي أُكَفِّرُ بِالظَّنِّ وَبِالْمُوَالَاةِ أَوْ أُكَفِّرُ الْجَاهِلَ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ فَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يُرِيدُونَ بِهِ تَنْفِيرَ النَّاسِ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc le cheikh il dit également, en ce qui a rapport avec, ou en ce qui a trait avec ce que les ennemis, mes ennemis mentionnent à mon sujet, que moi je fais le takfir des gens, je déclare les gens mécréants en me basant sur des suppositions, ou bien en me basant sur l'idée de prendre pour allier les ennemis d'Allah, al-muwalat, hein, ou bien que je fais le takfir de l'ignorant sur qui on n'a pas établi la preuve, il dit ça c'est une grande calomnie. Ils veulent par cela faire fuir les gens de la religion d'Allah et de son messager. Donc, et là, il est en train de se désavouer et de clarifier sa position en même temps et d'expliquer qu'il n'est pas d'accord avec ceux qui agissent comme ça, qui font le takfir de façon générale et qui font le takfir des individus avant qu'on ait établi la preuve sur eux, hein, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des propos très très très clairs à ce sujet. C'est dans Majmou' Mu'allafat, Cheikh l'Islam. Il y a une autre parole ici qui est citée d'un cheikh qui est le cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. C'est un des descendants, hein, un des petits-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit un livre qui s'appelle Manhaj al-Ta'sis wa al-Taqdis. Donc il dit, wa cheikh Mohammed, rahimahullah, min a'zam al-nasi tawakkufan وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها يعني يكفر تاركها. وقال في بعض رسائله وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة القواز حتى نقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. Donc le cheikh a dit que le cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh a écrit dans son livre Al-Ta'sis wa Al-Taqdis, la page 98 et 99, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie des gens qui s'arrête le plus, hein, par rapport au fait de faire le takfir de façon générale. Et yani, il se retient, hein, de faire le takfir dans des situations comme ça. Jusqu'à ce qu'il. À un tel point qu'il n'a même pas déclaré de façon certaine le takfir de l'ignorant qui invoque autre que Allah parmi les gens qui adorent les tombes. Parmi les gens qui adorent les tombes ou d'autres parmi eux, d'autres parmi eux qui adorent d'autres que, il y en a qui adorent des morts ou qui adorent d'autres que Allah. Du moment que on n'a pas pu lui faire transmettre la nasiha et la preuve, on n'a pas pu lui transmettre la preuve par laquelle il est devenu mécréant en l'abandonnant ou en cessant de suivre cette preuve. Donc du moment qu'on n'a pas pu lui donner la nasiha ou qu'on n'a pas pu lui transmettre la preuve, alors dans ce cas-là, on ne va pas faire son takfir. Et il dit dans certains, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit dans certains de ses écrits, même si on ne combat pas celui, c'est-à-dire si nous on ne combat pas celui qui adore les tombeaux, comme le dôme de Al-Kawaz, tant qu'on n'a pas établi la da'wah, on ne l'a pas invité à purifier la religion pour Allah seul, on ne lui a pas fait la da'wah, hein, on ne lui a pas établi la preuve. Donc si on ne fait pas le takfir de celui qui adore ce dôme-là, donc comment pourrait-on faire le takfir de celui qui n'a pas fait la hijra vers nous, alors qu'il est croyant et sur le tawhid? Hein? Donc ça, c'est des exemples de mensonges qui étaient mentionnés contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a dit aussi, on lui a posé la question au sujet de ces ignorants-là, et il a confirmé que celui sur qui on a établi la preuve et qui est capable de comprendre et apte à comprendre cette preuve, qu'il devient mécréant en adorant les tombes. C'est-à-dire une fois qu'on a établi la preuve, s'il adore les tombes par la suite, il est considéré comme étant mécréant. Ça, il n'y a pas de doute. Le cheikh, il dit, dans un autre livre aussi, sur le même sujet, c'est ça. On va lire cette citation-là, puis on va s'arrêter après. Il dit, وقال أيضا رحمه الله في مصباح الظلام فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا من إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. Donc on va traduire cette partie. Il a dit dans Misbah al-Zalam, à la page 449, celui à qui on a fait parvenir la da'wa des messagers vers le tawhid, c'est-à-dire on l'a invité au tawhid et vers l'obligation de suivre l'islam, et qu'il a compris que les messagers sont venus avec ça, il n'a pas d'excuse de les contredire et d'abandonner l'adoration d'Allah. C'est ce type de personne au sujet duquel on dit qu'il est mécréant avec certitude et avec fermeté, s'il adore autre que Allah, et qu'il met avec Allah des partenaires et des égaux et des divinités. Et le cheikh, ainsi que d'autres que le cheikh parmi les musulmans, ne s'abstiennent pas et ne se retiennent pas de faire le takfir de ce genre de personne, de déclarer cette personne mécréante. Et notre cheikh, il a confirmé à plusieurs reprises ce principe-là. Et il l'a clarifié. Selon ce que les ulama de la Umma ont dit, hein, et il s'est basé sur leur exemple pour dire que on ne fait le takfir que de ceux sur qui on a établi la preuve et sur qui la preuve a été, il y en est clair. On a établi la preuve contre eux. Et il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il s'abstenait de faire le takfir des ignorants parmi les adorateurs des tombes, s'ils n'ont pas pu avoir la science facilement, ou obtenir cette science de façon facile. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. وقال أيضا في مصباح الظلام وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها وهذا صريح في كلامه في غير موضع ورسائله معروفة. Donc le cheikh il termine en disant dans cette citation que, et c'est ça ce que le cheikh yani, c'est-à-dire que le cheikh il s'abstenait de faire le takfir de l'ignorant parmi les adorateurs des tombes tant que, il n'a pas pu, que cette personne n'a pas pu avoir le moyen de lui expliquer ou de lui montrer. Il dit, c'est ça ce que voulait dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lorsqu'il a dit jusqu'à ce qu'il devienne clair pour lui ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené soit clair pour lui. Et du moment que cette clarification là a été faite, donc celui qui a compris, hein, celui qui a compris le message et ce qui lui a été dit, alors dans ce cas-là, yani, ces choses-là deviennent claires. Donc il n'y a plus d'excuses par la suite. Il dit aussi à la page 516 de son livre Misbah al-Zalam, il dit notre cheikh, en parlant du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit n'a pas déclaré quiconque mécréant en partant comme ça, yani, du premier coup, juste à cause du fait qu'il a fait une action ou à cause de son shirk. Mais plutôt, il s'est arrêté jusqu'à ce qu'il sache que la preuve a été établie contre cette personne. Hein? Et que la preuve a été clarifiée pour lui. Et qu'il l'abandonne. Dans ce cas-là, ils vont le déclarer mécréant. Et ça, c'est très très explicite et clair dans ses paroles et dans ses propos, dans d'autres endroits, dans ses livres. Hein, et ça, c'est quelque chose de connu. Naam. Donc ça, c'est qu'est-ce qui vient de compléter cette partie-là. Sinon, il y a une dernière parole, mais c'est un peu long, donc on va la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah, lundi. C'est la parole du Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymin. Puis après, il reste à expliquer la salat d'Ibrahim, c'est-à-dire la salat qu'on fait à la fin de la prière, après le tashahhud, à la fin de la salat. Donc ça, on va l'expliquer au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيك بارك أخي.